les lois de l'évolution et connaît la raison de l'esprit, de l'autre esprit dans l'autre personnalité qui meut cette personnalité sous la couverture de son inconscience. Alors l'esprit connaît les fonctions et les raisons de l'esprit qui meut tel homme et tel homme et tel homme dans le monde, même si tel homme ne sait pas, il n'est pas conscient qu'il est mu par l'esprit, imparfaitement à cause de son inconscience. Mais l'homme conscient qui sait ceci ne peut pas critiquer l'homme. Et une des choses qui diminue la personnalité de l'homme, c'est le fait qu'il est incapable de vivre, de recevoir l'impression créée par l'homme dans le monde qui a une personnalité. Donc, quand on n'a pas beaucoup de personnalité, on critique facilement ceux qui en ont beaucoup ou plus que nous pour que nous nous en donnions à soi-même. C'est comme ça, la personnalité. Ça ne vaut pas de la merde. La personnalité a tendance à critiquer la personnalité, la fausse personnalité a tendance à critiquer la personnalité parce que elle est insécure. Et c'est son insécurité qui la bloque de passer du stage du sketch au stage de l'architecture. Un homme qui est dans le stage de l'architecture de sa personnalité, qui est dans le stage de la composition de sa personnalité, n'a pas même de temps ou d'énergie mentale ou astrale à perdre à critiquer une autre personnalité. Il va la regarder, il va l'observer, il va la mesurer, il va se joindre à elle ou s'éloigner d'elle, mais il ne la critiquera pas. Parce qu'il n'est pas insécure. Il n'y a pas d'insécurité dans la vraie personnalité. Il n'y a que de la créativité parce qu'elle est contrôlée par l'esprit de l'homme. Elle n'est pas contrôlée par la mémoire qui est enregistrée dans le mental et l'émotion de l'homme. On critique toujours ce qu'on n'est pas soi-même, ce qu'on ne peut pas soi-même. C'est facile de critiquer Castro, c'est un Christ de communiste, ou critiquer Urgué. Mais est-ce que les hommes savent ou comprennent pourquoi Castro il est plugué là? Est-ce que les hommes savent la raison de l'esprit pourquoi il est là, Castro? Les hommes sont situés dans le monde selon les lois d'un grand échiquier. Et qui contrôle les mouvements de ces hommes? Qui gère l'évolution de leurs relations? C'est leur esprit. À travers les corps qu'ils ont, à travers la suffisance qu'ils ont. Conscientisés, ces hommes agiront autrement. Les hommes se réuniront, l'échiquier deviendra un point. Mais ça fait partie de l'évolution. Qu'est-ce qui mine la province de Québec? Qu'est-ce qui mine la personnalité québécoise? C'est la critique. Qu'est-ce qui tue le Québec? C'est la critique. Et au Québec, la critique, c'est un trait caractériel de l'immaturité psychologique du peuple qui va se développer avec les années. Mais c'est inutile de critiquer le Québec. Il faut regarder dans le Québec ce qu'il y a de bons points. Il y a beaucoup de bons points. Il y a autant de relations entre la personnalité individuelle inconsciente que la personnalité collective inconsciente des nations. Les Allemands ont une personnalité, les Anglais ont une personnalité, les Français représentent une personnalité, les Américains une autre personnalité. C'est le grand échiquier de la planète. Et fait de ces personnalités, il y a des petites personnalités qui les composent. Autrement dit, dans le petit Québécois, l'unité biologique, il y a une correspondance avec la conscience nationale. Chez l'Américain, individuellement, il y a une relation avec la conscience nationale, et ainsi de suite. Il y a un karma, il y a toutes sortes de choses, il y a une mémoire. Mais la personnalité, elle est mystérieuse pour une autre raison. C'est que la personnalité la personnalité, la vraie personnalité. Elle empoisonne la fausse personnalité. Elle est tellement forte qu'elle empoisonne et la tue. Mais c'est normal que l'ego, avec sa fausse personnalité, ne veuille pas être empoisonné. Autrement dit, ne veulent pas être mis sur le spot, ne veulent pas perdre émotivement ou intellectuellement ce qu'il a l'impression d'avoir accumulé. Autrement dit, son équilibre psychologique. L'ego ne veut pas perdre son équilibre psychologique. Et aussitôt qu'il prend conscience de sa personnalité réelle, il cherche à tirer les stores vénitiens devant ses yeux pour que cette personnalité réelle, qui est l'action de son esprit sur ses corps subtils, n'aille pas trop loin dans la déformation, dans la transformation, dans la destruction de sa fausse personnalité. De là la crainte, ainsi de suite, et les mécanismes psychologiques et subjectifs que nous reconnaissons au cours de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Aucun homme, dans son inconscience, ne veut être bouleversé. Mais tous les hommes qui deviendront conscients seront bouleversés. C'est normal. Autrement dit, si nous prenons la planète comme étant un globe qui évolue dans un médium vibratoire, il y a aujourd'hui dans le monde, dans les terres autour du globe, des vibrations qui viennent vers les hommes, et les hommes les plus réceptifs à ces vibrations seront touchés par elles et muteront, autrement dit, seront bouleversés. Les hommes doivent être bouleversés individuellement, comme sera bouleversée la planète. Parce que aussi, les nations doivent découvrir leur vraie personnalité, telle que l'homme individuellement. Ça, c'est la fin du cycle. Autant l'homme a l'impression de sa fausse personnalité, autant il ne connaît pas sa réelle personnalité et autant il a peur, lorsqu'il avance vers elle, de la regarder en face. Et les hommes qui se conscientiseront au cours de l'évolution réaliseront au cours de cette période qu'effectivement il y a des périodes où il y aura énormément de vibrations sur le plan du corps émotionnel, beaucoup de vibrations au niveau du corps mental, et ces vibrations seront fortes, et ces vibrations créeront une sorte de crainte, ils auront peur un peu de l'avenir d'eux-mêmes. Et qu'est-ce que c'est l'avenir d'eux-mêmes? C'est l'architecturisation de leur personnalité réelle. Ce que l'homme sera demain, c'est l'architecture de sa personnalité demain, après la destruction de l'infrastructure de l'autre. C'est ça que l'homme a peur. Et vous connaîtrez ces craintes à tous les niveaux, selon vos êtres, au cours des années qui viennent. C'est normal. L'homme ne peut pas connaître la vraie personnalité sans avoir été froissé dans la fosse. Et c'est quand il est froissé dans la fosse qu'il a peur de la perdre. Ils sont bons, ces petits rien. Quand je fais ceci, je fais vibrer la personnalité. À l'aise, vas-tu le manger, vas-tu pas le manger? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie ça? Je suis spécial, tu sais. La personnalité. Tant que t'entras pas le verre d'eau. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je fais ceci pour faire comprendre. La personnalité réelle, elle est toujours dirigée par l'esprit, elle n'est jamais sous le contrôle de l'ego. C'est pas de ma faute si j'envoie des raisins. Quand on commence à se devenir sans cœur, c'est qu'on commence à devenir intelligent. C'est la personnalité qui, la nouvelle personnalité qui se forme et la vieille qui réagit. Le sans cœur, c'est l'impression de la vieille qui a peur de nouvelles. La chienne d'être sans cœur. La peur d'être sans cœur. La peur d'être sans amour. La peur de ne pas être bon. Sa vieille personnalité, qui a toujours été faite de ça, qui s'est nourrie de ça, et qui a automatiquement enveloppé son pouvoir, autrement dit le pouvoir de l'esprit, et c'est pourquoi l'homme n'a pas de personnalité réelle. Il ne peut pas étendre, projeter dans le monde d'impression, parce qu'il y a trop peur d'être sans cœur. Regardez les grands hommes, ils sont tous sans cœur, ils sont tous chiens, quand on les voit de la critique. Quand tu vois Trudeau dans le train, il dit aux journalistes, hein? Nous regardons ça du point de vue de la personnalité. Nous ne voyons pas la vibration qui fait que fait. La fausse personnalité donnera toujours des raisons quelconques à l'ego pour que il ne sente pas trop l'autre. Parce que dans le fond, le conflit entre la fausse personnalité et la vraie, c'est le conflit entre l'ego et l'esprit. Les deux se battent pour la même matière. Quelle matière? Le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de l'homme. L'ego qui a l'impression de le contrôler et l'esprit qui est roi et mage. Derrière le mur de la matière. Une autre raison pour laquelle la personnalité chez l'homme est mystérieuse, c'est parce que l'homme n'a pas l'entendement. Il n'a pas l'entendement. Qu'est-ce que c'est l'entendement? L'entendement, c'est la capacité chez l'homme de réaliser dans un instantané que la vibration qui vient de l'esprit ne peut jamais correspondre à la réaction de l'ego. C'est ça l'entendement. Quand l'homme a de l'entendement, il a une vibration qui vient de l'esprit et qui ne peut pas faire plaisir à l'ego. C'est ça de l'entendement. Alors lorsque l'homme a de l'entendement, ce qui vient avec le temps, l'entendement, ce qui vient avec la progression de l'esprit, la descente de l'esprit dans ses corps subtils, la gestion de l'esprit des corps subtils de l'homme, automatiquement, il trouve la personnalité réelle mystérieuse. Donc, lui se cherche. Qu'est-ce qu'il cherche, l'homme? C'est sa vraie personnalité. Il la cherche. Tous les hommes la cherchent, leur vraie personnalité. Et ils ne savent où la découvrir. Ils prennent différents moyens pour la découvrir, mais ils ne savent où la découvrir, ils ne savent pas où elle est. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'elle est nulle part. Elle est le produit de la descente de l'esprit, le contrôle de l'esprit des corps subtils qui auparavant étaient sous l'empire de l'ego. C'est pourquoi elle est mystérieuse, la personnalité de l'homme. Les orientaux nous ont foutu dans la tête des idées qui ont fait quoi? Qui ont donné à notre personnalité humaine la couverture, l'option d'une spiritualité qui deviendrait notre vraie personnalité. Et la personnalité spirituelle, ce n'est pas une vraie personnalité, c'est simplement une extension dans l'expérience de l'homme de son impuissance. Et c'est très dur pour l'homme de réaliser que la spiritualité, c'est l'extension de son impuissance, parce que dans le monde occidental, durant l'évolution, dans le monde oriental, durant le domptage de la race, quand on a dompté la race, parce que les forces occultes ont dompté la race humaine devait être domptée parce qu'elle était animalesque, elle n'était pas encore dans la suffisance de son esprit. Ce qui viendra avec l'évolution de la sixième race. Donc, les races ont dû être domptées. Des initiés sont venus pour les dompter. Moïse est venu pour dompter. Osiris est venu pour dompter. Le Nazaréen est venu pour cajoler. Ainsi de suite. Alors, les initiés sont venus pour faire certains travaux afin de dompter les races pour que demain, la race humaine cesse d'être domptée, qu'elle devienne indomptable. Mais pour qu'elle soit indomptable, il faut qu'elle refuse d'être domptée. Pour qu'elle refuse d'être domptée, il faut que la vraie personnalité se cristallise dans l'homme. Autrement dit, il faut que l'esprit prenne contrôle de ce qui est imperceptiblement planétaire. Autrement dit, le mental, l'astral et le vital de l'homme. Mais si l'homme n'est pas capable d'accepter de vivre sous l'empire de l'esprit, il sera obligé de vivre sous l'empire des ténèbres, qui est manifestement dans la conscience humaine le pouvoir de l'ego à travers la personnalité. Donc, l'inconscience, l'ignorance et la mort du mortel. Ah, exactement. Pour devenir indomptable, il faut devenir aussi fort que le dompteur, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'intelligence du dompteur. Si tu comprends l'intelligence du dompteur, il ne peut plus te dompter. Il te passe simplement le fouet pour que toi-même, tu puisses vivre ta vie selon les lois de la même énergie. Mais pour que ceci se fasse chez l'homme, il faut que la vraie personnalité qui est le produit d'une telle action s'imprime complètement sur la fausse. Donc l'homme doit vivre, dépasser la crainte subjective de sa fausse personnalité pour entrer dans la clarté de son esprit et ne plus avoir la crainte émotive ou mentale de sa mémoire, qui est liée à sa mémoire, pour qu'il puisse oser enfreindre les lois psychologiques de l'homme, autrement dit, pour qu'il puisse découvrir les lois de l'esprit. Si l'homme n'enfreint pas les lois psychologiques de l'homme, il ne pourra jamais enfreindre. S'il n'enfreint pas les lois psychologiques de l'homme, il ne pourra jamais comprendre les lois de l'esprit. Parce que les lois de l'esprit sont les lois de main de la société humaine. Tandis qu'aujourd'hui, les lois psychologiques de l'homme sont les lois qui favorisent le statu quo de la personnalité humaine, de la personnalité nationale, contre l'individu intégré dans une identité parfaitement réorganisée sur le plan architectural, c'est-à-dire le plan architectural étant la descente dans la matière d'un esprit qui a déjà été composé par la lumière avant l'immersion dans un corps matériel. Parce que tous les esprits viennent des fenêtres architecturales. Mais revenus dans la matière, ces esprits demeurent architecturaux. Lorsqu'ils fusionnent avec la personnalité devient organisée, autrement dit architecturée, selon les lois de l'esprit, et l'homme est libre. C'est la conscience de l'homme. Les hommes tendent à remonter dans un autre plan, tandis qu'il faut établir ici les... Les hommes tendent à remonter dans un autre plan parce que les hommes, étant conscients ou ayant pris conscience de l'insuffisance de leur personnalité, croient découvrir la suffisance dans un autre plan qu'on appelle le plan spirituel. Et c'est après quelques années d'expérience qu'ils s'aperçoivent que, effectivement, ça aussi, là aussi, ils sont bernés. Et ils sont obligés de revenir dans la matière parce que la place de l'homme, pour le moment, c'est dans la matière. Pour que se fasse, pour que se recompose, pour que se rééquilibre, pour que se réénergise le mental, le vital, le physique, pour que demain, étant près de l'esprit en vibration, l'homme puisse passer d'un plan à un autre. Si l'homme est dans le spirituel, il ne peut pas passer d'un plan à un autre. Il faut qu'il revienne dans la matière, il faut qu'il y ait intégration de l'homme. L'intégration de l'homme, c'est la partie planétaire avec la partie invisible, la partie de l'esprit, la partie de son intelligence. Et ça, c'est absolu, il n'y a pas de... Comme on dit en anglais, you can't mince the facts. C'est comme ça. Moi, je vous dis que c'est comme ça. Je vous dis, croyez-moi pas, dans 10 ans, vous verrez que c'est de même. Dans 5 ans, vous verrez que c'est de même. Dans 2 ans, vous verrez que c'est de même. Bon. Bien. Il existe dans la personnalité réelle de l'homme, un dynamisme en potentiel. Et ce dynamisme en potentiel, il est là pour tous les hommes. Je lui ai déjà donné un nom, j'ai déjà appelé ça l'intérêt vital. Et ce dynamisme en potentiel, il est très long à découvrir. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas l'utiliser, ce dynamisme, tant qu'il n'est pas parfaitement dedans. Il faut que l'homme soit parfaitement dedans, dans ce dynamisme. Autrement dit, il faut que l'homme soit parfaitement dans sa personnalité réelle pour qu'il puisse utiliser sa personnalité réelle. S'il n'est pas parfaitement dans sa personnalité réelle, il ne peut pas l'utiliser. Donc, il vivra deux personnalités. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre votre ancienne personnalité, plus la nouvelle qui commence à se faire. Et vous êtes pris entre les deux. Et étant pris entre les deux, ça crée une sorte de tension qui est toujours là, au bureau, à la maison, elle est toujours là. Il y a toujours une partie de vous, quelque part ici, qui sait, qui sent. Et il y a une partie de vous qui ne sait pas et qui ne sent pas. Et la partie de vous qui ne sait pas et qui ne sent pas ne peut pas être transformée dans l'autre tant que le travail n'est pas fini sur vos corps subtils. Ça, c'est l'évolution de l'âme. Quand on dit que la personnalité de l'homme, elle est hypocrite. Toutes les personnalités humaines sont hypocrites. Hypocrite dans un sens particulier que je veux donner. Hypocrite dans le sens que on ne veut pas s'avouer que c'est comme ça. L'homme qui se conscientise prend conscience de l'hypocrisie de sa personnalité. Avant, il ne réalisait pas ça. Mais quand il se conscientise, il commence à prendre conscience de l'hypocrisie de sa personnalité, pas dans le sens hypocrite qu'on a employé dans le temps, mais dans le sens que on veut pas admettre que c'est comme ça. On sait que c'est comme ça, mais on veut pas l'admettre que c'est comme ça. On sait qu'on devrait faire ça, mais on veut pas admettre que c'est ça qu'on devrait faire. Et automatiquement, l'ego cherchera quelque chose, il cherchera une formule pour se désengager de ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a dans la personnalité un manque de sincérité. Et plus un homme est conscient, plus un homme est dans sa personnalité réelle, plus il existe ce qu'on appelle de la sincérité. Pas dans le sens ancien du terme, mais sincérité dans le sens que l'action coïncide avec l'intention qui provient de l'esprit. Il y a une relation directe entre l'esprit, l'intention donnée à l'homme par voie de forme, par voie de pensée ou par voie de dialogue, avec l'action qui est l'acheminement éventuel du pouvoir de l'esprit sur l'intention humaine qui devient activée pour le bénéfice de l'individu ou pour le bénéfice de la société. Autrement dit, dans l'homme conscient, il y a une sincérité qui équivaut, sur le plan humain de l'expérience, à une union totale entre l'action et l'esprit. Donc, la fausse personnalité n'est plus là pour empêcher que la vraie personnalité fasse ce qu'elle doit faire, selon les lois de l'esprit et selon le rapport entre l'esprit et l'attitude mentale, l'attitude émotionnelle et physique, ou la capacité, si vous voulez. Beaucoup de gens disent, « Ah oui, c'est ça l'affaire. » Mais ils ne sont pas capables. Beaucoup de gens savent que c'est ça qu'ils doivent faire, mais ils ne sont pas capables de le faire, parce que la personnalité les empêche. Donc, ils sont obligés de demeurer pendant un certain temps, jusqu'à ce que les événements, parce que les événements viennent, ils sont composés par qui, les événements? Par l'esprit. Jusqu'à ce que les événements créent une situation tellement serrée qu'ils sont obligés, par la force des événements, de faire ce qu'avant ils savaient, mais n'osaient pas faire. Pourquoi? Parce que la vieille personnalité de l'homme se refuse d'enfreindre les lois psychologiques de l'humanité. Et ça, c'est un point que je veux développer. Les lois psychologiques de l'humanité sont des lois qui servent de ferment au pied de l'homme. Et c'est seulement lorsque l'homme se conscientise qu'il entre dans sa vraie personnalité qu'il réalise ceci. Que les lois psychologiques de l'homme sont effectivement un boulet posé ou apposé ou lié au pied de l'homme par les conditions historiques de l'humanité. Et ce n'est que lorsqu'il est dans sa vraie personnalité, ou qu'il commence à entrer dans sa vraie personnalité, ou qu'il commence à connaître sa vraie personnalité, qu'il commence à l'apercevoir, qu'il s'aperçoit jusqu'à quel point ce boulet est pesant, et combien il est dur de le déplacer par soi-même. Et il y a des gens qui me disent souvent, comment ça se fait qu'on ne nous dit pas « fais telle chose » ou « fais telle chose ». On ne peut pas nous dire « fais telle chose » ou « fais telle chose » parce que si on nous disait « fais telle chose » ou « fais telle chose », l'ego, lui, se glorifierait de l'intention de l'esprit. Et se glorifiant de l'intention de l'esprit, mettrait sur le dos de l'esprit l'erreur qui doit être commise dans cette chose pour son évolution. Il dirait « ah ben, c'est eux autres qui me l'ont dit. C'est eux autres qui m'ont fait faire ça. » Ce que j'appelle l'excuse cosmique. Et tout le monde a connu ça un petit peu, hein? C'est eux autres. Alors, pour empêcher ceci, la communication ne se fait pas. C'est seulement sous pression que l'ego fait. Et s'il agit sous pression parce que les événements sont trop carrés, sont trop serrés, à ce moment-là, ça fait partie de son expérience. Et à ce moment-là, il ne peut pas dire, éventuellement, « c'est eux autres qui m'ont fait ça. » Il n'y avait pas de choix. Il était au mur. La personnalité prend conscience de la vraie personnalité. L'homme est tellement dénué de vraie personnalité que s'il lui était montré sa vraie personnalité, il aurait peur de lui-même. Parce qu'il verrait dans la vraie personnalité tout ce qu'il peut faire, qui dans sa vieille personnalité ne peut pas être vécu. Si on montrait à l'homme sa vraie personnalité, il aurait peur dans sa vieille, dans sa fautive personnalité. C'est pourquoi la personnalité réelle, celle qui est le produit de l'identité entre l'ego et l'homme, n'est possible qu'avec le temps, au fur et à mesure qu'elle s'architecturise, qu'elle se développe. Sinon, l'homme aura peur de sa vraie personnalité. Ce serait pour lui une illustration terrible de ce qu'il peut faire en dehors de sa mémoire, le forçant ainsi à ce moment-là de l'expérience de rejeter tout ce qu'il sait s'aperçoit au niveau de son intellect et de son émotion, autrement dit de sa mémoire. L'homme serait très troublé dans son esprit, dans son ego. Pour que l'homme ne soit pas troublé dans son esprit, il faut que la personnalité fautive soit diminuée un peu. Mais tant qu'elle sera là, il y aura toujours une possibilité d'être troublé un petit peu. Mais ça, c'est la mesure de sa vraie personnalité. Tant qu'il est dans sa vraie personnalité, il n'y en a plus de trouble, parce qu'il n'y a plus de mémoire. Il n'est plus assujetti à la vieille. Donc, il n'a plus sur lui la responsabilité d'une action mesurée à l'échelle intellectuelle et émotive de l'ancienne personnalité. Il est libre. Autant la vieille personnalité se conditionne, autant la neuve n'est pas conditionnante. Autant la vieille se plie à toutes les conditions de l'homme, autant la neuve est irréductible. Et autant la vieille a la capacité d'être bonne ou mauvaise, ou spirituelle, autant la neuve n'est rien de tout ceci. Elle est simplement créative. Parce qu'elle n'est plus mémoire. Elle n'a plus de mémoire. Elle ne contient plus de mémoire. Elle n'agit plus sous la mémoire, sous les lois de la mémoire. Parce que la mémoire de l'âme a été, petit à petit, éliminée. Mais ce n'est pas facile pour l'homme de perdre la mémoire de l'âme, parce que lorsqu'il perd la mémoire de l'âme, il perd la contenance de son intelligence subjective, et il commence à se sentir seul dans le monde. Le phénomène que vous connaissez de se sentir de plus en plus seul dans le monde, ça fait partie de la perte de la mémoire de l'âme. L'homme social ne se sent pas seul dans le monde. Il sait très bien qu'il y a beaucoup de monde dans le monde. Mais l'homme qui se conscientise se sent seul de plus en plus dans le monde, même s'il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'il perd la mémoire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il perd la mémoire. Pourquoi? Parce que la mémoire de l'âme n'a plus de pouvoir ou diminue son pouvoir sur le mental et l'émotion de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'il reste à la personnalité ancienne? Il ne reste que un peu de faiblesse et il lui est ajouté un peu de dynamisme qu'elle ne peut pas saisir. Donc, l'homme est pris entre deux eaux, et ça, c'est la souffrance de son initiation. Il doit être pris entre deux eaux comme ça, jusqu'à temps qu'il découvre sa vraie personnalité. À ce moment-là, il est bien. La vie est facile, la vie est aisée, et il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qu'il peut, c'est-à-dire ce qu'il doit, c'est-à-dire ce qu'il sait. Mais la reconstruction de l'homme, c'est-à-dire le développement d'une personnalité neuve, implique deux aspects. Le premier aspect qui est fondamental, c'est celui-ci, c'est que l'homme qui doit être reconstruit doit totalement comprendre la nécessité du matériel qui entre en lui dans la reconstruction. Autrement dit, il faut qu'il soit suffisamment dans son intelligence pour réaliser l'importance de ce qui se passe. Sinon, il va se servir de sa fausse personnalité pour diminuer l'importance de ce qui se passe afin de donner à sa fausse personnalité une sorte de valeur contre le pouvoir de l'esprit qui entre en lui. Autrement dit, contre le pouvoir de son intelligence réelle. Donc, automatiquement, il va bloquer. C'est ce que vous appelez rationaliser. Parce que comment la vieille personnalité demeure-t-elle emmurée en elle-même? À travers le rationalisme. Parce que l'ego peut rationaliser n'importe quoi. Et c'est en rationalisant n'importe quoi qu'il se coupe du processus de formation de la nouvelle personnalité qui est totalement irréductible à travers le jeu de l'esprit sur l'ego. Donc, rationaliser ce qui se passe dans la vie de l'homme qui se conscientise, ça ne sert à rien. Ça peut lui l'aider un peu à supporter la souffrance de l'expérience, mais ça ne change rien dans l'expérience. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme la critique. Si vous critiquez un homme d'État parce qu'il a fait telle bévue, la bévue a été faite. Elle a servi dans le monde. C'est la même chose au niveau de la personnalité. Que vous critiquiez ou que vous rationalisiez une situation, elle a été faite quand même. Le travail est entamé. Et le deuxième aspect de ceci, c'est que l'homme qui commence à se construire ou à vivre la construction d'une personnalité réelle, éventuellement est amené à une confrontation. C'est-à-dire qu'il est amené à une confrontation entre la vieille personnalité et la nouvelle. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant de l'expérience. On peut rejeter la confrontation pendant un certain nombre d'années parce qu'on peut rationaliser. Mais vient un moment dans la vie de l'homme qui se conscientise où il est confronté à la nouvelle personnalité. Et rendu à ce point-là, il ne peut plus vivre en dehors de la confrontation parce que la nouvelle personnalité doit éventuellement en arriver à un état optimal. C'est-à-dire qu'elle doit en arriver éventuellement à être totalement créative. C'est-à-dire qu'elle doit en arriver éventuellement à être totale, cette personnalité. Et pour qu'elle soit totale, les conditions de cette totalité qui sont connues de chaque individu doivent être réalisées dans sa vie, maintenant. Donc, éventuellement, il y a confrontation entre l'ancienne personnalité et la nouvelle. Et dans cette confrontation, le mental, l'émotionnel, l'émotionnel et le vital s'ajustent et l'homme change de palier vibratoire. Il entre dans l'intelligence de sa personnalité, donc il perçoit plus près de lui-même le pouvoir de l'esprit sur lui à travers les événements qu'auparavant il aurait refusé à cause de son rationalisme. L'homme qui se conscientise, qui entre dans sa vraie personnalité, passe par un corridor d'expérience qui sert ultimement à la fusion entre des forces qui sont dans les éthers supérieurs avec l'homme. Donc, éventuellement, l'homme doit vivre cette confrontation et tous les hommes qui se conscientiseront vivront cette confrontation. Et dans cette confrontation, il n'y a aucune possibilité pour l'individu de refuser ce que j'appelle l'initiation. Refuser l'initiation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en arriver à un point dans la vie de l'homme où la relation entre l'ancienne personnalité et la nouvelle doit être vécue dans sa totalité. Et à ce moment-là, l'homme ne peut plus refuser l'initiation. Vous pouvez refuser de me voir, mais vous ne pouvez pas refuser l'initiation. Moi, je ne suis rien pour rien dans ceci. Moi, je commence le processus en vous disant des choses qui ne se pensent pas. Mais vous, dans votre vie, un jour, vous ne pouvez plus refuser l'initiation parce que, qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné dans votre vie, ceux qui iront suffisamment loin seront confrontés entre la vraie et la fausse. Et le tribunal, c'est l'esprit. Le tribunal, c'est l'esprit. Et l'homme qui se conscientise ne peut pas, quelque part dans sa vie, en arriver à ne pas avoir une personnalité qui est totale. Elle doit être totale, cette personnalité. À sa hauteur, mais elle doit être totale. L'homme conscient doit avoir une personnalité totale. Donc, ça implique une confrontation. C'est-à-dire que ça force l'ancienne personnalité à être régie par l'esprit dans la nouvelle. L'homme ne refuse pas l'initiation solaire. Il peut sembler le retarder, il peut vouloir s'en sortir. Ça fait partie de tout son conditionnement. L'homme peut refuser l'homme, mais l'homme ne refuse pas l'esprit quand son temps est venu. Mais c'est l'esprit qui le sait. Et comme l'homme ne peut pas refuser l'initiation, c'est-à-dire comme l'homme ne peut pas refuser le choc de l'ancienne personnalité contre la nouvelle, il ne peut pas, éventuellement, ne pas avoir une personnalité totale. Et c'est lorsqu'il a une personnalité totale qu'il s'aperçoit, qu'il commence à comprendre qu'est-ce que c'est la liberté, être libre. C'est à ce moment-là qu'il commence à comprendre qu'est-ce que c'est que ça veut dire d'être bien dans sa peau. Et l'impossibilité à l'homme de refuser l'initiation, c'est subtil, parce que c'est particulier à chaque homme, qu'il soit de n'importe quelle nation, c'est particulier à chaque homme. C'est l'esprit qui dicte à l'homme, sans qu'il s'en rende compte, les lois de son initiation. C'est l'esprit qui dicte à l'homme ce que l'homme doit vivre dans sa vie, pour la mutation, pour la fusion, pour la personnalité totale, pour la compréhension totale, parfaite, pour la vie totale, parfaite. C'est l'esprit, dans chaque homme. Ce qui est le plus intéressant dans le domaine de la personnalité humaine, dans le domaine de la personnalité planétaire, c'est que l'homme a l'impression dans ses personnalités inconscientes, d'être vivant, d'être bien. Mais cette impression n'est calculée que selon son état émotionnel et mental. Elle n'est pas calculée selon le pouvoir de son esprit dans la chaîne des événements vécus au niveau de son mental, de son émotion, de son physique. Donc c'est une très très petite impression. Très faible impression. Tu peux avoir des hauts et des bas selon les circonstances. Tandis que l'homme qui est dans sa vraie personnalité, dans sa personnalité réelle, est non seulement dans la conviction de son état mental, mais il est dans la conviction de son état astral, comme il est dans la conviction de son état vital. Et ce sont ces trois convictions, ou cette situation triple de conviction instantanée sur tous ses plans, qui donne à cet homme une dimension de vie qui n'existe pas dans l'homme inconscient, qui fait de cet homme un homme qui est charismatique, qui projette dans le monde des impressions pour le bénéfice de l'homme, parce que ce qui sort doit créer, et pour son propre bénéfice personnel, parce qu'il est canal de ses énergies. Et tous les hommes ont ce pouvoir, tous les hommes ont cette capacité, tous les hommes ont cette vibration en eux, mais qui est camouflagée, qui est cachée, parce que la vieille personnalité a peur de la neuve. Et Dieu sait combien la nouvelle personnalité, la vraie personnalité, est voilée à l'ancienne, et combien l'ancienne a peur d'elle. C'est inouï. C'est pour ça d'ailleurs que les événements de notre vie ne nous sont pas racontés trop d'avance. Un homme qui serait raconté des événements dans 5 ans, dans 10 ans, aurait les épaules très très alourdies par la prévision, par la dictée des événements. Il faut être très très très très très très conscient, très sans émotivité subjective, très sans personnalité fautive, pour pouvoir absorber le choc vibratoire des événements de demain qui coïncide à une personnalité demain qui sera autre que celle d'aujourd'hui, qui nous permettra demain d'absorber les événements, de les vivre, ces événements-là sans crainte. C'est pourquoi l'homme est protégé de ceci. Il ne s'agit pas pour l'homme de connaître son avenir, il s'agit pour l'homme de vivre son présent parfaitement. Si l'homme vit son présent parfaitement, éventuellement il pourra connaître son avenir. Il pourra en supporter le choc. Parce que les événements d'avenir ne coïncident pas toujours avec le désir de notre personnalité présente. Mais elles ont une fonction, ces événements, qui demain pourront être remplis, vécus par la nouvelle personnalité, qui sera dotée d'une mentation, d'une émotionnalité, d'une vitalité haute qu'aujourd'hui. On ne demande pas à un malade aujourd'hui de courir le mille, mais peut-être que dans 2 ans, il ne sera plus malade, il pourra le faire. Mais si vous lui dites ceci aujourd'hui, ben, il va tomber en dépression. Mais il est l'homme est sur le lit de la mort, et il demande toujours qu'est-ce qu'il y a demain. Et si on lui dit, il panique. Il y a un recueil de faits dans la vraie personnalité qui instruit la fausse. Et ce recueil de faits, il est composé par l'esprit à travers les événements de la vie. Lorsque la nouvelle personnalité commence à prendre suffisamment de place dans l'ancienne pour que l'ancienne réalise qu'il lui manque effectivement quelque chose. Et lorsque l'ancienne personnalité commence à réaliser qu'il lui manque effectivement quelque chose dans la vie, qu'elle a besoin d'une autre dimension pour que la comptabilité soit totale, parfaite, à 100%, c'est à partir de ce moment-là que la vieille personnalité se met à tergiverser. Elle ne sait pas si elle rationalise. Elle veut, elle ne veut pas. Et lorsque vous commencerez à sentir ce mouvement ambigu dans votre vie, vous commencerez à être petit à petit préparé pour le mouvement réel dans votre vie. Mouvement qui créera une solidité émotive et une perception mentale et une vitalité que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Pourquoi la vieille personnalité est insuffisante? Parce qu'elle n'est pas capable d'oser. Elle rêve d'oser. Elle lit des livres. Elle va voir des films. Elle voit le type qui monte l'Everest. Elle voit le couple qui fait l'amour. La vieille personnalité voit toutes sortes de choses. Qu'elle ne peut pas oser. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans son intelligence. Si elle était dans son intelligence, si elle était dans son esprit, elle ferait. Elle n'aurait plus même à oser. Ce ne serait plus oser ce qu'elle ferait. Ce serait très intelligent, mais ce serait très osé aux yeux des autres. Mais ce ne serait plus osé à ses yeux à elle. Et c'est lorsque nous faisons des choses qui ne sont plus osées à nos yeux, mais qui sont osées aux yeux des autres, que nous avons la mesure de ce que nous étions. Et lorsque nous avons la mesure de ce que nous étions, nous ne sommes plus intéressés à être ainsi. Nous vivons notre vie à notre guise et comme nous le voulons, selon notre esprit, selon notre intelligence. C'est pourquoi j'ai dit que la nouvelle personnalité doit enfreindre les lois psychologiques de l'humanité. Sans enfreindre pour ceci les lois de l'homme. Un homme ne peut pas être dans sa vraie personnalité et assujetti aux lois psychologiques de l'humanité. Il peut être dans sa vraie personnalité et vivre en accordance, harmonisé, en relation avec, parallèle, les lois de l'humanité, mais pas les lois psychologiques de l'homme. Il y a une différence entre arrêter son auto à la lumière rouge, qui est une loi de l'humanité, et les lois psychologiques de l'homme, qui sont les intentions ou les pressions de belle-mère. Et ce qui est le plus remarquable dans la nouvelle personnalité, c'est que l'homme qui est dans cette nouvelle personnalité est seul. Il est automatiquement seul, il ne peut pas être autre que seul, parce que seul lui comprend ce qu'il fait. S'il le fait avec d'autres, ils sont seuls ensemble, parce que seuls eux comprennent ce qu'ils font. Donc, la personnalité, la nouvelle personnalité, lorsqu'elle est active et qu'elle enfreint les lois psychologiques de l'homme, elle est toujours seule, même si elle est à 3, à 4, à 10, elle est toujours seule. Parce que, dans le fond, elle est occulte, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être dite aujourd'hui dans le monde, parce que l'homme aujourd'hui n'est pas prêt à entendre, parce que la civilisation n'est pas suffisamment mentale. L'instruction, nous parlons d'instruction, lorsqu'un homme parle à une foule de personnes, nous parlons d'une instruction. Mais il y a instruction individuelle dans la vie de l'homme aussi. Et l'instruction individuelle dans la vie de l'homme se fait lorsque la vraie personnalité commence à prendre plus de place dans sa vie. Et lorsque cette instruction se fait, elle se fait sous pression des événements. Et la pression de ces événements-là, éventuellement, devient trop forte pour que la vieille personnalité puisse la refuser. S'en empêcher de vivre, elle est obligée. De là l'initiation. Et c'est là que se mesure l'homme nouveau. L'homme nouveau se mesurera par lui-même, il ne se mesurera pas par quelqu'un. L'homme nouveau se mesure par lui-même, il est la mesure de lui-même. Il n'a pas besoin d'une mesure, il n'a pas besoin d'être donné une initiation par un homme, ou il n'a pas besoin d'être donné un bâton de sagesse par un homme, ou une étiquette quelconque. L'homme nouveau se mesure par lui-même.